qu'on veut, on peut. Ok, ça fait ricaner, mais c'est pas allongé dans l'air qu'on peut confirmer le proverbe. Quand au fond de ton trou, tu compteras les gerbes, les regrets comme en grès pour Verco. Il sera trop tard pour reprendre le tempo. On a été dans les mêmes écoles, dans les mains les mêmes stylos. Même s'il sort, joue au salaud, qu'il aille se faire enculer. Voilà le topo, bouge-moi poteau, ta vie vaut ce qu'elle vaut. Mais la gâcher le profit qu'on facho. Leur donner raison devrait te mettre le feu sous le capot. N'attends pas la chance, provoque là. J'suis pas un sage, encore moins un esclave. T'as saisi le message, libère mes espoirs de leur cage. Rejoins-moi, bouge-toi, pas de critères d'âge ou de coloriage. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. La vie est dure, soit taille, mec, t'as pas le choix. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Ta haine est une faille, tu sais que t'as pas le droit. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Arrête de jouer la caille, sois grand, élève-toi. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. La vie est une bataille, sois fort et tais-toi. Ton sort c'est trop dur, la vie ne te fait jamais de cadeau. J'crois entendre un ado, et ouais, la vie est faite d'obstacles, de tacles, d'actes barbares, d'injustice, de haine et de vice. C'est tellement facile de se plaindre tout le temps, de jouer les victimes, de réclamer de l'estime. Alors bouge-toi tes deux jambes, ton cul et tes bras. Essaye d'être solide et sors du sortie. Tu sais que la vie est une jungle et tu connais ses lois. Les plus braves survivent, un conseil, active-toi. Lutte pour tes droits, pour ta vie, pour tes choix. On a pas zim, casse les noix, le pessimisme ne paye pas. On a tous nos galères de thunes ou de cœur. Alors change d'humeur, t'as toujours pas de tumeur. Des gosses meurent partout de faim et de froid. Toi t'en veux à la vie, tu penses qu'elle t'aime pas. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. La vie est dure, soit taille, mec, t'as pas le choix. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Ta haine est une faille, tu sais que t'as pas le droit. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Arrête de jouer la caille, sois grand, élève-toi. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. La vie est une bataille, sois fort et tais-toi. On est pestiféré, victime d'un endroit. Catalogué, tiré vers le bas. Victime de son statut, de sa couleur. L'homme blanc n'aime pas le black, encore moins le beurre. Génétiquement prédestiné au malheur. Une assiette pré-remplie, sans épinards, encore moins le beurre. Le sort nous a choisi, nous attache au pied du lit. Je l'ai endormi, je ne sais pas. Je ne m'en dis pas du doigt. Ma réponse est oui, hier on m'a dit. Bouge-toi, donne-toi les moyens, bouge-toi. Prends conscience, redresse-toi. T'as du talent, enlève-toi. Ton avenir tu détiens, maîtrise ton destin. C'est toi qui contrôle la couleur de ton lendemain. Facile à dire dans la bouche d'un guéron. Ton job, ta musique, tu les avais au chaud sous les dredons. Casse-toi de là où je te colle un marron. Ta morale, tu te la gardes, joue pas ton bouffon. Question victime d'une image entretenue, d'un acharnement convaincu. Bouge-toi, bouge-toi. La vie est dure, soit taille, mec, t'as pas le choix. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Ta haine est une faille, tu sais que t'as pas le droit. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Arrête de jouer la caille, sois grand, élève-toi. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. La vie est une bataille.